Tu me demandes comment je vais, tu voudrais répondre en étant sincère. L'amertume se transforme en force, paraît-il qu'on s'en sert pour avancer dans la vie, pour au final mieux se sentir. Alors pourquoi je me sens faible au point de ne plus te mentir? Non, ça ne va pas, non. Laisse-moi tranquille, laisse-moi arranger cette merde tant qu'il est encore temps, tant pis. Si c'est une erreur, je le sais, pourtant je la commets. Je le reconnais, mais à ce moment, seul le présent est important. Et je reporte les douleurs à un futur pas si lointain. Les moments de bonheur sont courts, mais la douleur dure si longtemps. Si longtemps l'âme, c'est fini, ce geste est pourtant salutaire. Dans bien des cas, mais là t'attire dans une guerre sans merci. Moins dur peut-être que d'affronter la solitude en solitaire. Effondré par les seulement, souhaitant ne pas être à la merci de ce putain de silence, si seulement il pouvait se taire. Peut-être entendrais-tu raison, peut-être ouvrirais-tu les yeux. C'est le prix du drapeau blanc, pas d'autre choix que d'abandonner un monde dans lequel t'as vécu heureux pendant tant d'années. Ce monde s'est changé en enfer et tu fais partie des damnés, condamnés à revivre les problèmes dont tu voulais dédouaner. T'as tant donné pour le sauver, mais il n'est pas récupérable. La rancœur est un sentiment qui n'est pas libérable. Tu casses des poids à répétition, mais te demande pas qu'il est paiera. Je te réponds, ce sera vous, et bientôt tu le verras. Et quand tu penses aller de l'avant, le passé te rattrape. Ton visage perd ses couleurs, ton sourire face à la trappe. Comment faire pour lutter contre l'ultime souffrance? Un cœur brisé n'est pas une blessure qui se pense. Et quand tu penses que tout va bien, en vérité tout va mal. Car une peine de cœur n'est pas une douleur banale. Et j'ai mal, mais je ne dois pas perdre le fil, même si c'est si difficile. Pardonneras-tu mes erreurs? Les comprendras-tu? Quand un intime nous fait du mal, tu sais, c'est rarement gratuit. C'est un monde fait de causes qui entraîne des conséquences. Tu par conséquent cause de fâcheux concours de circonstances. Et si je ne cautionne pas tout, jamais je ne juge. Chaque personne a son propre jugement. La conscience n'est pas toujours reine, mais l'amour naît d'une flamme. Comment peut-il être inifuge? Et les incendies se répandent bien souvent hors de leur domaine. Et nos problèmes se mélangent car les soucis sont miscibles. Plus on décharge notre mal-être sur les gens qui comptent le plus, c'est illogique mais c'est ainsi. Pourtant ce n'est pas admissible, puisqu'on refuse d'être la cible d'une peine qui grandit la nôtre un peu plus. On n'en peut plus de supporter le mal-être de deux âmes. C'est pourtant le prix à payer pour poursuivre leur connexion. Doté de sentiments forts, la tristesse nous désarme. Et tous ceux qui subissent une rupture le reconnaîtront. Mais il est bien difficile de changer ses convictions, surtout d'admettre qu'on a tort, ne pas rester sur ses positions. Difficile d'arranger les choses, de trouver une proposition miraculeuse qui nous sauve, donc on prend des dispositions. Et si l'on sait que c'est pour notre bien, pourquoi nous sentons-nous si mal? Pourquoi est-ce si difficile de voir le bon côté des choses? Pourquoi avons-nous l'impression que notre chagrin nous décimera? On nous retire de notre foyer tel un arbre qu'on déchausse. Et quand tu penses aller de l'avant, le passé te rattrape. Ton visage perd ses couleurs, ton sourire passe à la trappe. Comment faire pour lutter contre l'ultime souffrance? Un cœur brisé n'est pas une blessure qui se pense. Et quand tu penses que tout va bien, en vérité tout va mal. Car une peine de cœur n'est pas une douleur banale. Et j'ai mal, mais je ne dois pas perdre le fil, même si c'est si difficile. Et j'ai peur d'être seul, de ne plus trouver mon âme sœur. J'ai peur que mes erreurs m'isolent, penser au futur me désole. J'ai peur d'avoir des regrets, j'ai donc peur d'avancer. J'ai peur que mes pensées soient infiniment devancées par cette crainte qui me freine et me pousse à me réfugier, au point de m'emprisonner dans ma propre peine. J'ai peur d'être insensé au point de pas en être conscient. J'ai peur que mes notions soient faussées, je suis tout sauf confiant. Mon assurance est envolée avec cet ange qui me suit. Le long d'un chemin parsemé de sentiments si vrais, qu'ils font naître au sein de ton être une méchanceté que tu ne pensais jamais avoir. Non, y mettre fin est ton devoir.